Chapitre 8e, Tentation. Monsieur Richard Paulette, membre de la fameuse association légale Paulette, Paulette et Matthewson, venant à Marchmont Towers pour affaires, fut surpris du calme aisé avec lequel l'ancien clerc expéditionnaire recevait la pointilleuse bourgeoisie campagnarde accourue chez lui pour lui faire honneur en s'asseyant à sa table. De tous les contes fantastiques où figurait la loi, de tous les récits à parchemin où la poésie s'exhalait en affidavit, que l'avoué avait jamais entendu ou fabriqué lui-même, celui-ci était un des plus étranges. Ce n'était pas en lui-même qu'il était étrange, car des faits pareils ne sont pas rares dans l'histoire de la vie d'un avoué. C'était à cause de la tranquillité avec laquelle John Marchmont acceptait sa nouvelle position et faisait les honneurs de sa maison à son ancien patron. « Ah, Paulette !» dit Edward Arundel, tapant sur l'épaule de l'avoué. « Je ne suppose pas que vous m'ayez cru jadis quand je vous disais que mon ami était l'héritier présomptif d'une belle fortune. » Le dîner donné à Marchmont Towers ressembla en tout point, comme déploiement de grandeur, à tous les autres dîners solennels du même genre. On y discuta les affaires de la localité et celles de la paroisse. Les squires chasseurs tenaient le dé pour la première partie de la conversation, et les recteurs et leurs femmes se chargeaient de la seconde. Vous entendiez d'un côté que le mari de Martha Harris avait renoncé à la boisson et assistait régulièrement aux offices du matin et du soir, et de l'autre, vous appreniez que le vieux renard gris qu'on avait chassé pendant 9 saisons entre Crankbin Bottom et Hollowcraft Gorse avait péri ignoblement dans le poulailler d'un fermier. Pendant que par votre oreille gauche entrait la nouvelle que le petit Billy Smithers était tombé dans un chaudron d'eau bouillante, par la droite, vous receviez la désolante certitude que tous les perdreaux avaient été noyés par les pluies survenues après la Saint-Swithin et qu'il en restait à peine quelques-uns. Mary Marchmont avait entendu dans Oakley Street des conversations bien plus gaies que celles qui se tinrent ce soir-là dans les salons de son père. Cependant, lorsqu'Edward Arundel cessa de faire la cour à quelques jeunes filles en bleu et qu'il se rapprocha d'elle pour lui parler, elle trouva la réunion charmante. Les plaisanteries du jeune homme étaient passablement banales, mais pour Mary, Edward était le plus brillant des causeurs. « Comment trouvez-vous ma cousine, Polly ? » demanda-t-il enfin. « Vous plaît-elle ? » « Votre cousine, Miss Arundel, oui ? » ?»« Elle est très belle. »« Oui, je le présume, » répondit le jeune homme avec indifférence. « Tout le monde proclame Livy très belle, mais sa beauté me paraît un peu froide, n'est-ce pas ? » ?»« Il y a un peu trop de la Pallas Athénée en elle, à mon goût, du moins. »« Je préfère ces jeunes filles en bleu, avec la chevelure brune hérissée, tirant un peu sur le rouge, et les fossettes. »« Vous avez une fossette, Polly, quand vous riez ?» Miss Marchmont rougit en apprenant ce détail, et ses 12 yeux bruns se dirigèrent vers les jeunes filles en bleu qu'elle regarda d'un air sérieux. Elle chercha à découvrir en elles ce qui excitait l'admiration d'Edward. « Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Polly, » dit M. Arundel. « Je crains bien que vous n'ayez bu trop de vin, Miss Marchmont, et alourdi votre petite tête sobre avec les fumées du porto de votre papa. Je vous ai demandé si Olivia vous plaisait. » Mary rougit de nouveau. « Je ne connais pas encore assez bien Miss Arundel pour savoir si je l'aimerais, » répondit-elle avec timidité. « Mais l'aimerez-vous quand vous la connaîtrez depuis plus longtemps ? Ne soyez pas jésuite, Polly. La sympathie et l'antipathie naissent à première vue et instinctivement. Je vous ai aimé avant d'avoir avalé 6 bouchées de ce pain rôti et beurré que vous préparâtes pour moi, le jour du déjeuner dans Oakley Street, Polly. Vous n'aimez pas ma cousine Olivia, Miss. Je m'en aperçois très bien, vous êtes jalouse d'elle. » « Jalouse d'elle. » Les couleurs brillantes disparurent de la figure de Mary Marchmont. Elle devint pâle comme un linge. « Vous l'aimez donc ? » dit-elle. Mais M. Arundel n'était pas assez fat pour comprendre le secret que réclamait cette naïve question. « Non, Polly, » répondit-il en riant. « Elle est ma cousine, vous savez. Je la connais depuis que je suis au monde. Les cousines, c'est comme les sœurs. On aime à les ennuyer, à les tourmenter, etc., etc. » Mais on ne devient pas amoureux d'elle. Je pourrais cependant nommer quelqu'un qui songe beaucoup à Olivia. Qui ? Votre papa. Mary regarda le jeune soldat avec égarement. « Papa ? » répéta-t-elle. « Oui, Polly. Cela vous irait-il d'avoir une belle-mère et de voir votre papa se remarier ?» Mary Marchmont se redressa vivement comme si elle avait eu l'intention d'aller tout droit vers son père au milieu de tous ses convives. John était auprès d'Olivia et de son père. Il causait avec eux et tourmentait sa chaîne de montre en s'adressant à la jeune fille. « Mon papa se remarier ?» dit Mary. « Comment pouvez-vous songer à pareille chose, monsieur Randall ?» Son affection enfantine pour son père se réveilla dans toute sa force et sa nature sensitive fut dominée par une émotion violente. « Se remarier ? Épouser une femme qui le séparerait de son unique enfant ? Avait-il songé, même un seul instant, à une aussi horrible cruauté ?» Elle regarda la belle figure sévère d'Olivia et trembla. Elle se représenta cette femme se dressant comme une barrière entre elle et son père et l'éloignant de lui. Son indignation fit bientôt place à la douleur. Quelle que fût son intensité, l'indignation ne durait jamais longtemps chez cette douce enfant. « Oh, monsieur Arundel, » dit-elle piteusement, en faisant appel au jeune homme, « papa ne voudrait pas se remarier, jamais, jamais, n'est-ce pas ?»« Non, certainement, si cela vous fait de la peine, Polly, » répondit Edward avec douceur. Le chagrin subi de Mary l'avait rendu muet. Il avait cru qu'elle serait charmée plutôt que contrariée à l'idée d'avoir une jeune belle-mère, une compagne, dans ces vastes salons déserts qui lui serviraient d'amie et d'institutrice à mesure qu'elle avancerait en âge. « Je n'ai pas parlé sérieusement, ma chère Polly, » dit-il. « Ne vous tourmentez pas à propos des absurdes idées qui me passent par la tête. Je crois que votre papa admire ma cousine Olivia. Je pensais que peut-être vous ne seriez pas fâchée d'avoir une belle-mère. » « Pas fâché d'avoir quelqu'un qui me ravirait l'amour de papa ?» dit Mary d'un ton plaintif. « Oh, monsieur Arundel, comment avez-vous cru pareille chose ?» Malgré la familiarité qui régnait entre eux, la petite fille n'avait pas encore l'habitude d'appeler son amie par son nom de baptême, bien qu'elle en eût été priée plusieurs fois. Elle avait peur de prononcer ce simple nom saxon, qui n'était si beau et si imposant que parce qu'il était le sien. Mais quand elle lisait un roman stupide, dont le héros portait le même prénom que M. Arundel, les pages insipides semblaient illuminées par une lueur phosphorescente toutes les fois que ce prénom y figurait. Je ne sais trop pourquoi John Marchmont ne bougeait pas d'auprès de Miss Arundel. Il avait entendu faire son éloge par tout le monde. Elle était un modèle de bonté, une sainte non canonisée, qui se sacrifiait sans cesse pour autrui. Peut-être, se disait-il, qu'une femme comme celle-là serait le meilleur ami qu'il pût trouver pour sa petite fille. Il détournait ses regards des bonnes et tendres mères de famille du comté qui n'auraient pas mieux demandé que d'ouvrir à Mary leurs bras protecteurs, et il les fixait sur Olivia Arundel, cette froide et parfaite bienfaitrice des pauvres, en se disant qu'elle lui viendrait en aide dans son embarras. Elle qui est si bonne pour tous les paroissiens de son père, elle ne refusera pas ses bontés à ma pauvre Mary, pensait-il. Mais comment décider cette femme à devenir l'amie de son enfant? Il s'adressait cette question même au milieu de ces frivoles convives dont les propos bourdonnaient à son oreille. Il s'inquiétait constamment de l'avenir de sa fille, qui lui semblait plus difficile à arranger maintenant qu'à l'époque où ils habitaient Oakley Street, et ne songeait à la fortune de Lincolnshire que comme un rêve dont la réalisation était presque impossible. Il sentait que le bail de sa vie allait expirer. Il lui semblait qu'il se trouvait avec Mary sur un petit monticule de sable jaune, très brillant sous les feux du soleil, mais que la marée montante allait bientôt les entourer à l'improviste et les ensevelir sans bruit. Mary pouvait, dans son ignorance enfantine, ramasser des coquillages aux belles couleurs et des plantes marines humides. Mais lui qui savait que le flot montait, éprouvait forcément un terrible serrement de cœur à l'idée de la séparation prochaine. Si les vagues noires avaient dû les entraîner tous deux, le père n'eût pas regretté de descendre dans l'abîme en pressant son enfant contre sa poitrine. Mais cela ne devait pas être. Il descendrait tout seul au fond de ce gouffre inconnu et laisserait sa fille sur la surface agitée pour y être battue par la tempête et n'avoir pour lutter contre les flots en courroux que ses bras impuissants. John Marchmont était-il vraiment chrétien? Lui qui redoutait tant cette mort qui devait le séparer de sa fille. Je crains bien que ce veuf poitrinaire ne ressentît pour Mary une affection trop vive pour être compatible avec le christianisme. De pareils sentiments doivent être étouffés avant de prendre la croix et de suivre le chemin de douleur. Comme amour et tendresse envers son prochain, comme calme et patience en face des souffrances qu'il avait à endurer, il eût été difficile de trouver un plus fervent disciple de l'Évangile que John Marchmont. Mais il était un vrai païen en ce qui concernait son affection pour son enfant. Il ne pouvait remettre entre les mains de Dieu la garde de son enfant et s'enfoncer dans les ténèbres de l'éternité avec cette croyance sereine qu'elle serait bien gardée et bien protégée. Non, il ne pouvait avoir confiance. Pour ce qui le touchait, lui, il avait la foi simple d'un enfant, mais il n'en était pas de même pour sa fille. Il voyait les sombres rochers dont le lointain et les vagues sans pitié qui accouraient pour engloutir le frêle esquif qui allait être livré à lui-même sur l'océan. Dans les épaisses ténèbres de l'avenir, il ne voyait qu'une lueur, une seule, que son esprit avait découverte tout récemment, et cette lueur, c'était l'espoir de décider quelque femme noble et parfaite à devenir l'amie de sa fille. Le temps n'était plus où, dans sa simplicité, il avait regardé Edward Arundel comme le protecteur futur de son enfant. Le généreux jeune homme s'était changé en soldat, et son devoir l'appelait loin de Marchmont Towers. Non, c'était à une femme dévouée qu'il devait confier la garde de Mary. C'était donc l'intensité de son amour qui poussait John à songer à un mariage que Mary regardait comme le plus grand tort dont son père put se rendre coupable envers elle. Ce ne fut que longtemps après le dîner à Marchmont Towers que ses idées revêtirent une forme positive et que John, après mûre réflexion, s'avoua que dans l'intérêt de sa fille, il lui faudrait peut-être se remarier. Edward Arundel avait dit la vérité quand il avait annoncé à sa cousine que John Marchmont prononçait souvent son nom. Mais l'insouciant jeune homme n'avait pas deviné quel était le sentiment caché sous les éloges de son ami. Ce n'était pas la belle figure d'Olivia Arundel qui avait conquis l'admiration de John. En entendant répéter sans cesse par tout le monde qu'elle était bonne et bienfaisante, le père en était venu à croire que cette femme, entre toutes, était celle qu'il devait choisir pour gardienne de sa fille dans l'avenir. La certitude que l'intelligence d'Olivia était supérieure, en même temps que dans ses manières, perçait une certaine dignité impérieuse, ne fit que fortifier la croyance de John Marchmont. L'ami dont il avait besoin pour son enfant ne devait pas seulement avoir la bonté de cœur, il fallait encore qu'elle eût la force de la protéger dans son isolement et de l'aider peut-être à lutter avec Paul Marchmont. Ainsi, dans l'aveuglement de son amour païen, John refusa de confier à la Providence le soin de son enfant et choisit lui-même à Mary une protectrice et une gardienne. Ce choix fut le résultat d'une si longue délibération et de si sérieuses réflexions qu'on peut lui pardonner d'avoir cru qu'il était bon. C'est à la suite de ces décisions que par une sombre journée de novembre, pendant qu'Edward et Mary jouaient aux échecs au coin du feu, dans le grand salon ou à la pomme dans l'emplacement nouvellement disposé à cet effet, John Marchmont est assis dans son cabinet où il examine des papiers et calcule les sommes dont il peut disposer en contractant un second mariage. Aimait-il Olivia Arundel? Non. Il l'admirait, la respectait et croyait fermement qu'elle était la plus parfaite des femmes. Aucune idée irréfléchie ne le poussait à la démarche qu'il envisageait. Il avait aimé sa première femme avec tendresse, mais il n'avait jamais été bien torturé par aucune des poignantes émotions qui forment les différentes phases de la grande tragédie qu'on nomme l'amour. Mais avait-il songé à la possibilité d'un refus de la part de la jeune fille qui lui avait tant donné à réfléchir? Oui, il y avait songé, et il était prêt à courir ce risque. Il aurait du moins fait de son mieux pour conquérir une amie à sa fille. Avec des sentiments d'une nature si peu amoureuse, le maître de Marchmont Towers se rendit un matin à Swampington, ayant l'intention bien arrêtée d'offrir sa main à Olivia Arundel. Il avait consulté son intendant et Monsieur Paulette, et il savait quelle était la fortune qu'il pouvait donner à sa future. La somme n'était pas forte, car il ne pouvait toucher à son domaine, mais il lui restait les économies qu'il pouvait faire pendant sa courte vie, et s'il vivait encore quelques années, ses économies atteindraient un chiffre considérable grâce au peu de dépenses qui se faisaient dans la maison. Il possédait en outre une somme d'argent de plus de 9 000 livres que lui avait laissé Philippe Marchmont père. Il avait donc quelque chose à offrir à la jeune fille dont il voulait faire sa femme. Il comptait du reste pleinement sur le désintéressement complet d'Olivia Arundel. Il l'avait revue souvent depuis le dîner, et elle avait toujours semblé la même, grave, réservée, digne, et ne songeant qu'à accomplir patiemment et strictement son devoir. Il trouva Miss Arundel assise dans le cabinet de son père, où elle taillait des vêtements de drap grossier pour ses pauvres. Un sermon tout récemment écrit était sur la table. Si M. Marchmont eût regardé de près le manuscrit, il aurait vu que l'encre était humide, et que l'écriture était celle d'Olivia. C'était un soulagement pour cette étrange femme d'écrire quelquefois des sermons où elle se laissait aller à de violentes protestations contre la méchanceté inhérente au cœur humain. Vous imaginez-vous une femme dont le cœur est mauvais, essayant fermement de faire le bien et d'être bonne? C'est un portrait sombre et horrible, mais c'est le portrait véritable de la femme à laquelle John Marchmont veut offrir sa main. L'entrevue entre le père de Marie et Olivia Arundel ne fut pas sentimentale, mais elle fut à coup sûr tout l'opposé d'une entrevue ordinaire. John avait le cœur trop simple pour déguiser le motif de sa demande. Il ne voulait pas une femme pour lui, il voulait une mère pour sa fille orpheline. Il parla de l'isolement de Marie dans l'avenir, et non de son amour à lui. Emporté par l'égoïsme de son unique affection, il exposa ses motifs dans toute leur nudité. Il parla longtemps et d'un ton sérieux. Il parla jusqu'à ce que les larmes qui l'aveuglaient l'empêchassent de voir Olivia. Miss Arundel le regarda tout le temps d'un œil sévère, inflexible, mais elle ne dit rien, tant qu'il n'eut pas fini. Elle se leva alors brusquement. Sa figure était sombre et animée pendant qu'elle arpentait l'étroite chambre. Elle avait oublié John Marchmont. Pour son intelligence forte et vigoureuse, ce père à l'esprit faible, dont la seule passion était un amour à faire pitié pour son enfant, semblait tellement insignifiant que pendant quelques moments elle oublia qu'il était là, dans la chambre, qu'il était vivant, peut-être. Se tournant ensuite brusquement vers lui, elle le regarda bien en face. « Vous ne m'aimez pas, monsieur Marchmont, » dit-elle. « Pardonnez-moi, » balbutia John. « Croyez-moi, Miss Arundel, je vous respecte, je vous estime tant que... vous me jugez digne d'être l'ami de votre enfant. Je comprends. Je ne suis pas du nombre des femmes qu'on aime. Je l'ai compris depuis longtemps. Mon cousin Edward Arundel s'est souvent donné la peine de me le dire. Vous voulez que je sois votre femme afin d'avoir une gardienne pour votre fille. C'est à peu près la même chose que si vous m'engagez pour être sa gouvernante. Seulement l'engagement serait plus sérieux. Miss Arundel, s'écria John Marchmont, excusez-moi. Vous vous méprenez sur mes intentions. Oui, vous vous méprenez. Si j'avais pensé que je puisse vous offenser, je ne suis pas offensé. Vous avez dit la vérité, tandis qu'un autre m'aurait dit un mensonge. Je dois être flatté de votre confiance en moi. Cela me plaît, que les gens me croient bonne et digne de leur confiance. Un soupir lui échappa quand elle eut cessé de parler. Et vous ne rejetterez pas ma demande ? Je ne sais à quoi me résoudre, répondit Olivia, étreignant son front de sa main. Elle s'appuya contre l'angle de l'encoignure de la fenêtre et regarda le jardin triste et nu par cette sombre journée d'hiver. Elle fut silencieuse pendant quelques minutes. John Marchmont ne l'interrompit pas. Il était content d'attendre patiemment qu'il eût plus de parler. « Monsieur Marchmont, » dit-elle enfin, se tournant vers le pauvre John, avec une brusquerie qui le fit presque tressaillir, « j'ai 23 ans, et depuis que je suis au monde, je ne me souviens pas d'avoir eu un seul moment de bonheur. Non, pas un. Le ciel m'en est témoin, » s'écria-t-elle avec force en levant la main vers le plafond. Aucun prisonnier de la Bastille enfermé dans une cellule au-dessous du niveau de la Seine, réduit à choisir pour compagnon de sa misère des rats et des araignées, n'a mené une vie plus bornée, plus tristement circonscrite que la mienne. Ces rues où l'herbe pousse ont marqué les limites de mon existence. Le pays marécageux et plat qui entoure la ville n'est pas plus monotone ou plus triste que mon genre de vie. Vous direz que je devrais m'intéresser aux devoirs que je remplis et qu'ils devraient me suffire. Dieu sait que j'ai fait mon possible pour cela, mais je suis malheureuse. Croyez-vous que ma nature n'ait pas dû être aigrie dans des conditions pareilles? Croyez-vous maintenant que je vous ai fait cet aveu, que je sois la femme qu'il vous faut pour servir de mère à votre enfant? Elle s'assit après cette tirade et laissa tomber ses mains sur ses genoux. L'esprit inquiet qui la tourmentait avait été plus fort qu'elle et avait parlé. Elle avait soulevé le voile épais à travers lequel les gens la voyaient et montré à John sa figure naturelle. « Je crois que vous êtes bonne, Miss Arundel, » dit-il gravement. « Si j'avais eu une autre pensée, je ne fusse pas venue ici aujourd'hui. Je désire avoir une femme bonne qui veillera sur mon enfant, qui s'occupera d'elle quand je ne serai plus de ce monde, » ajouta-t-il à voix basse. Olivia Arundel demeura silencieuse et immobile. Ses yeux ne quittaient pas le jardin dénudé devant elle. Elle essayait de résoudre le sombre problème de sa vie. Quelque étrange que cela puisse paraître, l'offre de John Marchmont avait pour elle un certain attrait. il lui offrait quelque chose, n'importe quoi. Ce serait un changement. Elle s'était comparée à un prisonnier de la Bastille, et je crois qu'elle éprouvait le même sentiment qu'un prisonnier de ce genre auquel son geôlier serait venu offrir de l'évacuer sur Vincennes. La nouvelle prison serait pire que la première, peut-être, mais ce ne serait plus la même. La vie à Marchmont Towers pourrait être plus monotone, plus désolée qu'à Swampington, mais ce serait une nouvelle monotonie, une nouvelle désolation. N'avez-vous jamais pensé, en souffrant du mal de dents, que ce serait un soulagement d'avoir un mal d'oreille ou un rhumatisme, et que la variété dans la torture serait agréable? Ensuite, Olivia Arundel, quoique privée de plusieurs des charmes de la femme, n'était pas complètement à l'abri de ses faiblesses. Épouser John Marchmont, ce serait se venger d'Edward Arundel. Hélas, elle oubliait qu'il est impossible de frapper au cœur celui qui est recouvert de l'armure impénétrable de l'indifférence. Elle se voyait maîtresse de Marchmont Towers, servie par des laquais en livrée, courtisée puis patronnée par la bourgeoisie campagnarde, et vengée de sa cupide tante qui l'avait méprisée en lui offrant d'aller gagner sa vie comme gouvernante de nursery. Elle voyait tout cela, et les instincts vils de sa nature s'éveillaient en elle et la poussaient à saisir l'occasion qui s'offrait à elle, l'occasion unique de sortir de l'affreuse obscurité de sa vie. L'ambition qui aurait pu la faire impératrice courba la tête et lui cria « Prends ceci, c'est du moins quelque chose ». Mais les voix meilleures qu'elle avait écoutées dans sa lutte avec les instincts naturels de son âme ne furent pas muettes et lui répétèrent dans la voix naturelle de son âme « C'est une tentation du démon, n'accepte pas cette offre ». Mais cette tentation s'offrit à elle juste au moment où la vie lui était devenue intolérable. « Trop intolérable pour être supportée, pensait-elle. » Elle avait maintenant la fatale certitude qu'Edward Arundel ne l'aimait pas, que le seul rêve qu'elle eût jamais caressé était une illusion, une tromperie. Ce rêve avait été le seul bonheur de sa vie. Une fois évanoui, il ne lui restait plus que la tristesse, et la mort devenait préférable à l'existence qu'elle menait. L'avenir ne lui réservait aucune espérance, pas une. Elle avait aimé Edward Arundel de toutes les forces de son âme. Elle avait consacré à ce beau jeune homme tout ce qu'il y avait en elle d'intelligence et de passion. Cette folie avait été l'écueil de sa vie. Sans elle, elle aurait pu changer sa nature à l'aide de son désir de bien faire et devenir une femme bonne et parfaite. Si elle eût vécu dans un milieu moins rétréci, cet amour déçu n'eût pas eu de portée bien sérieuse. Elle eût aimé, souffert, et comme tant d'autres, elle serait revenue de cette maladie. Mais toutes les forces volcaniques de son impétueuse nature se concentrèrent dans cette affection, s'acharnèrent à nourrir ce sentiment unique et changèrent en folie ce qui n'eût été qu'une douleur. Se dire que dans un avenir éloigné, elle pourrait cesser d'aimer Edward Arundel et apprendre à en aimer un autre était à peu près aussi raisonnable aux yeux d'Olivia que d'espérer changer de bras et de jambes à cette époque inconnue. Il lui aurait été peut-être possible de briser son amour par un effort désespéré, tout comme Meuler a pu se faire couper un bras. Mais croire qu'un nouvel amour remplacerait l'ancien lui paraissait aussi absurde que d'espérer voir repousser un nouveau bras. Quelques monstruosités en liège feraient l'office du bras amputé, et de même, quelque affection contrefaite et simulée tiendrait lieu de l'ancien amour. Olivia Arundel fit toutes ces réflexions pendant que les aiguilles de la petite pendule de la cheminée avancèrent de 10 minutes. John Marchmont attendait toujours avec patience une réponse catégorique à sa demande. L'esprit de la jeune femme revint enfin après toutes ces folles divagations dans les 3 sentiers qu'elle avait eu tant de peine à lui tracer, les 3 sentiers du devoir. Ses premières paroles en furent une preuve. « Si j'accepte cette tâche, je l'accomplirai fidèlement, » dit-elle, « pour elle plutôt que pour M. Marchmont. »« Oh, j'en suis sûr, Miss Arundel, » répondit John avec empressement. « J'en suis sûr. » « Vous avez donc l'intention de l'accepter? Vous voulez réfléchir sur ma demande? Puis-je parler à votre père? Puis-je lui dire ce que je vous ai proposé et que vous m'avez donné l'espoir d'un consentement définitif? » « Oui, oui, » dit Olivia avec un peu d'impatience. « Parlez à mon père, dites-lui ce que vous voudrez, qu'il décide pour moi. Il est de mon devoir de lui obéir. » Dans ces paroles perçait une terrible lâcheté. Olivia Arundel reculait devant l'idée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, sans autre motif pour cela faire que le désir de s'arracher à une existence qui lui était odieuse. Elle voulait faire retomber sur un autre la responsabilité de cette action, qu'un autre décide, qu'un autre la pousse à commettre cette folie et cette folie sera baptisée du nom de sacrifice. Ainsi donc, pour la première fois, elle tenta de propos délibéré de tromper sa conscience. Pour la première fois, elle recourt à une fausse marque dans le système à l'aide duquel elle constatait son progrès moral. Quand John Marchmont l'eut quittée, elle se laissa tomber sur son tabouret au coin du feu. Elle était dans une prostration complète d'esprit et de corps. Sa tête s'inclina lourdement contre le support en bois de chêne sculpté de la cheminée à la mode antique, et elle ne prit pas garde que son front avait heurté le coin de la boiserie. Si elle avait pu mourir alors qu'elle ne cachait encore pour tout péché dans son sein que le secret d'une faiblesse de femme toute naturelle, si elle avait pu mourir alors que le premier pas sur le sombre sentier de sa vie n'était pas fait encore, comme c'eût été heureux pour elle et pour d'autres, une affreuse page de crime et de souffrance aurait manqué à l'histoire de la vie de cette femme. Elle demeura longtemps dans la même attitude. Une fois, une seule fois, deux larmes solitaires mouillèrent ses yeux et roulèrent lentement sur ses joues pâles. « Serez-vous triste quand je serai mariée, Edward Arundel ?» murmura-t-elle. « Serez-vous triste ?»